Nous avons donc appris 5 concepts de la somatic experiencing. Le premier est le condensé et la fixation. Comment toute l'énergie du trauma est compressée et s'est fixée en fonction des perceptions et des croyances que nous avons formées à propos de nous-mêmes. Le deuxième principe, la défaite et l'impuissance, qui est une réaction biologique normale associée à la réponse d'immobilité. Puisque c'est une réaction biologique, elle s'estompera avec le temps. Plutôt que de rester fixé sur la défaite, nous savons que nous pouvons la faire disparaître. Le traçage, qui est le troisième principe, eh bien, c'est la manière dont nous pouvons faire tout ça. Nous le faisons en étant capables d'observer le paysage intérieur de nos sensations et de nos émotions, de nos pensées et de nos images. Dans le traçage, nous découvrons que nous sommes capables de penduler, de nous déplacer entre les zones de notre vécu, les zones positives et en expansion, et les zones contractées et effrayantes. Chaque fois que nous y parvenons, nous sommes davantage ressourcés dans notre processus. Cette ressource supplémentaire nous aide ensuite à avancer. Le ressourcement est le cinquième principe dont nous avons parlé. La suite de cette liste de concepts de la somatic experiencing nous mène au concept que j'appelle le détachement. Dans le détachement, nous séparons, nous différencions l'excitation qui stimule notre système nerveux de manière saine et l'expérience traumatique de la peur et de l'immobilité. Lorsqu'une personne a été traumatisée, chaque fois que son système nerveux est excité, elle ressent une réaction de trauma. L'excitation ramène donc directement au trauma. Lors du détachement, nous commençons à séparer les émotions d'excitation de celles du trauma. La personne traumatisée a un déficit dans sa capacité à ressentir de l'excitation. Dès qu'elle ressent de l'excitation, dès que le système nerveux commence à s'activer, la réaction est l'immobilité et la peur. En d'autres termes, chez la personne traumatisée, l'excitation stimule l'immobilité et l'impuissance. La sixième étape consiste donc à détacher progressivement ces éléments par l'attention portée aux sensations d'excitation et de vitalité. En passant d'une sensation à l'autre, nous voyons qu'elles sont différentes, et nous sommes alors capables de les détacher. C'est lorsque Marius a pu ressentir la joie de recevoir le pantalon en cadeau qu'il a pu ensuite commencer à faire la différence entre l'excitation et l'anxiété. Au début, le pantalon était uniquement associé à l'anxiété et à la douleur. Lorsqu'il a ressenti la ressource du pantalon, il a alors pu commencer à détacher, à différencier l'excitation de l'anxiété. Vous pouvez commencer à faire cela pour vous de la manière suivante. Lorsque vous vous sentez anxieux, prenez un moment pour une introspection. Remarquez quelles sensations sous-tendent l'anxiété. Ensuite, remarquez s'il y a un aspect positif à cela, une certaine excitation, même si elle est minuscule. À mesure que vous ressentez cette émotion positive, laissez votre attention se déplacer, comme vous l'avez fait auparavant. Pendulez dans cette direction et ressentez l'excitation. L'excitation a une notion de joie, de vitalité. Opposez-la à l'anxiété, qui a une sensation de constriction, de peur, d'appréhension. Avec les outils que vous possédez sur la pendulation, faites des allers-retours entre les sensations, les aspects de l'excitation et ceux de l'anxiété. Et dans chaque situation, faites-le plusieurs fois. Puis remarquez les changements au niveau de l'anxiété. En faisant cela, vous allez détacher l'excitation de l'anxiété. Ainsi, lorsque quelque chose se produit qui pourrait susciter une réponse joyeuse, agréable, vous serez moins conditionné à retourner vers l'anxiété. C'est une autre manière de commencer à sortir du figement et revenir à la vie. En rétablissant un lien avec ses jambes grâce à son pantalon et en s'identifiant au chasseur du village, Marius commence à être plus ancré dans son propre corps et dans sa vie sociale. Dans les modules précédents, nous avons parlé de la dissociation, le fait de quitter notre corps. C'est une forme de manque d'ancrage. L'ancrage, le septième élément de la renégociation, est un terme que vous connaissez sans le savoir. Lorsque nous essayons de le définir, c'est un peu moins clair. Nous nous sommes dissociés de différentes manières lors du trauma. Nous avons quitté notre corps ou nous nous sommes déconnectés de notre corps. La fonction des sensations de base a été altérée d'une manière ou d'une autre par le trauma. Un autre aspect important de l'ancrage, c'est l'ancrage physique et littéral qui nous accroche à la terre grâce à nos jambes et nos pieds. De même, quand nous sommes assis, Nous sommes soutenus par la chaise, ce qui nous donne une sensation d'ancrage au niveau du plancher pelvien. Si l'amour nous fait planer, le trauma, lui, retient nos jambes. Nous devons trouver un moyen de retrouver cette connexion par nos sensations et par la terre. En faisant cela, nous retrouvons notre centrage. Se centrer peut être considéré comme un point d'équilibre physique dans le corps. Mais il peut aussi être considéré comme notre capacité à rester stable et flexible, alors qu'il y a de l'agitation autour de nous. L'énergie intense de survie, qui n'est pas utilisée par nos organismes, doit être ancrée au sol. Tout comme un câblage électrique, il faut une prise de terre pour qu'il y ait une voie de retour, pour que l'électricité se connecte à la terre. Sinon, on risque de se faire électrocuter, parce qu'il y a cette électricité qui va dans tous les sens sans possibilité d'être canalisée. Cette connexion à la terre est donc une image très importante. Une autre image qui transmet à la fois l'ancrage et l'équilibre dynamique est l'arbre. Ses racines vont aussi loin dans le sol que ses branches s'élèvent vers le ciel. Et lors d'une forte tempête, l'arbre peut se plier jusqu'au sol, mais garde toujours sa connexion et son centre grâce à son tronc et ses racines profondément ancrées dans la terre. Cette image de l'arbre est une image qui surgit souvent spontanément quand les gens travaillent sur le trauma. Lorsque vous observez des animaux, des chats, des chiens ou tout autre animal sauvage, cet ancrage est très présent car ils sont instinctivement en sécurité dans leur monde. Ils ne s'inquiètent pas des choses qui pourraient arriver dans le futur. Ils ne regrettent pas les choses qui se sont passées. Ils vivent pleinement l'instant présent. Et c'est aussi un aspect de l'ancrage. Un autre exercice consiste donc à passer du temps avec l'un de vos amis à quatre pattes préférés et à être simplement avec lui. Observez-le. Ressentez-le. Remarquez ce qui se passe dans votre corps lorsque vous le voyez marcher, jouer, manger. Et aussi, quand vous le touchez, voyez comment il peut servir d'intermédiaire à votre ancrage instinctif, à votre sens de l'enracinement instinctif. Si vous n'avez pas d'animal, vous pouvez simplement le visualiser. Imaginez un de vos animaux préférés en prêtant attention à sa manière de marcher, de se comporter, de modifier son comportement en fonction des changements dans son environnement. Et là aussi, en observant son ancrage instinctif, remarquez comment vous vous sentez. Pendant que vous faites cela, commencez peut-être à remarquer s'il y a une zone de votre corps où vous vous sentez moins ancré, moins en sécurité, moins centré. Et puis, vous l'avez compris, mettez-vous à penduler entre ces deux zones différentes, celle où vous êtes instinctivement ancré et celle où vous vous sentez moins ancré, plus instable, moins connecté. Lentement, faites des allers-retours plusieurs fois, jusqu'à ce que vous ayez cette sensation d'être bien stabilisé. Pour rappel, en cas de trauma, nous perdons le sens de l'ancrage. Nous perdons la sensation de connexion à nous-mêmes. Nous perdons la sensation de connexion à la terre et au sol, de connexion avec les autres personnes. Ainsi, chaque fois que nous renforçons l'ancrage dans une zone, nous le renforçons aussi dans d'autres zones. Une personne complètement ancrée se sent stable, mais pas rigide dans le monde physique. Ainsi, quand Marius a senti ses jambes, il a pu s'imaginer sautant sur les rochers. Et en sautant, Marius a développé davantage l'émotion de force et de résilience. La force et la résilience, d'une certaine manière, c'est l'élasticité de nos jambes. C'est aussi la résilience métaphorique de notre système nerveux qui nous aide à rebondir après un trauma et à le dépasser. C'est le 8e concept du processus de renégociation, la résilience. La résilience rappelle aussi l'image de l'arbre qui se fait plier par le vent. Il peut se plier sous l'effet du stress, mais il sera capable de se rétablir. La résilience, c'est la mesure dans laquelle nous pouvons nous plier sans nous briser. Et de toute évidence, lorsque nous avons été traumatisés, quelque chose en nous s'est brisé. En rétablissant la résilience, nous retrouvons ce sentiment que, oui, nous pouvons faire face à un stress éprouvant, mais nous nous relèverons. Nous nous en remettrons. Un exercice simple pour faire l'expérience de la résilience d'une manière physique et directe est de mettre de la musique légère, pétillante et rythmée. Mettez-la et restez quelques minutes debout. Sentez comment vos pieds se connectent au sol, au tapis de votre chambre. Puis, bougez un peu. Balancez-vous d'avant en arrière au rythme de la musique. Vous pouvez sentir dans ce balancement les moments où votre centre se déplace et n'est plus en équilibre avec la terre, et les moments où il se remet à l'équilibre, comme un arbre. Ensuite, quand vous ressentez cette sensation et en suivant le rythme de la musique, commencez simplement à faire des petits sauts. Mettez vos pieds, vos jambes et même vos bras en mouvement pour faire de petits sauts. Remarquez la connexion de vos pieds avec la terre lorsque vos jambes se plient. Remarquez ce qui se passe lorsque vos jambes se redressent. Lorsque vos muscles se contractent, sentez la puissance et la force dans vos muscles. Voyez ce que ça fait de quitter réellement la terre, d'être en suspension dans les airs pendant un court instant. Voyez ce que ça fait quand vous retombez au sol. Comment vous vous sentez quand vos genoux se plient et que vous rebondissez comme un amortisseur ou comme un chat avec sa manière de rebondir. Rebondissez sur la musique et sentez la flexibilité de vos jambes. C'est de la résilience. C'est une force très, très importante. Lorsque vous sentez cette résilience, laissez la puissance de ce ressenti vous propulser dans les airs. Ressentez cette apesanteur, cette liberté d'être dans les airs, et ensuite ressentez le retour au sol. D'abord vos pieds, puis la flexion de vos genoux, et tout votre corps qui s'adapte au retour sur terre. Pensez à l'image du chat qui tombe d'un arbre et qui se retourne pour avoir les pattes orientées vers le sol, et à la manière dont il atterrit comme l'amortisseur d'une voiture. C'est tout simplement l'expérience de la force par la résilience. En cas de trauma, nous perdons cette résilience de deux manières. La première est que nous nous raidissons et nous renforçons le trauma. Lorsque notre corps est raide, nous perdons notre résilience. Un arbre raide se rompt quand le vent souffle fort. Un arbre résilient bouge et se plie, puis se remet en place. L'autre manière dont nous perdons notre résilience, c'est l'effondrement qui se produit face au trauma. Ce n'est pas de la résilience. Quand on s'effondre, on n'a pas l'impression de pouvoir se remettre sur pied. Donc, lorsque nous séparons la réponse d'immobilité et la peur, nous constatons que cette énergie voudra s'exprimer en rebond et en résilience. La neuvième composante de la somatic experiencing est la restauration d'une agressivité saine et naturelle. L'agressivité naturelle, ce n'est pas ce genre d'aplomb que l'on voit chez ceux qui essaient de compenser. Ces personnes n'ont pas vraiment cette agressivité naturelle. L'agressivité est pour soi-même, mais ce n'est pas pour prendre aux autres. La personne qui est naturellement agressive s'affirme de manière positive. Elle sait quels sont ses désirs et ses besoins, et elle n'a pas peur de les demander. Mais elle ne va pas voler ses choses chez les autres parce qu'elle ne se considère pas en manque. L'agressivité naturelle fait partie de notre biologie. Elle est aussi essentielle à notre biologie que tout autre instinct ou émotion. Elle nous permet d'avancer dans la vie. Sans une agressivité saine, nous n'accomplissons rien. Nous n'obtenons pas ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas une impression de compétence et d'accomplissement dans la vie. L'agressivité est absolument essentielle. En cas de trauma, nous perdons notre agressivité. Lorsque nous ne sommes plus capables de nous donner, que ce soit en fuyant ou en combattant, nous tombons dans l'immobilité. C'est un peu un mode par défaut. Si vous ne résiliez pas la carte de votre abonnement au club de lecture, il vous envoie automatiquement un livre le mois suivant. C'est ce qui se passe lorsque vous ne pouvez pas répondre efficacement avec agressivité. Vous retombez dans l'immobilité. Encore une fois, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une lacune. C'est l'organisme qui s'est adapté au mieux pour survivre. Cependant, lorsque nous sortons de l'immobilité, ces mêmes énergies auront une composante agressive. Nous devons apprendre à canaliser ces énergies pour ne pas avoir à les réprimer à nouveau et nous pousser à nouveau dans l'immobilité et l'effondrement. L'agressivité naturelle est la réponse de combat qui est générée quand l'immobilité est terminée. Dans son combat imaginaire contre l'ours, Marius crée la réponse active qui lui assure sa victoire. Il n'est plus la victime, l'enfant vaincu. En étant capable, étape par étape, d'échanger une réponse agressive active à la place d'une réponse d'impuissance et d'immobilité, Marius renégocie son trauma et revient réellement à lui pour reprendre le contrôle de sa vie. En faisant cela, il a pu trouver une autre ressource dans cette agressivité, de sorte que lorsqu'il a finalement affronté les trois chiens sauvages au moment où il revisite son trauma, son agressivité a contrebalancé l'immobilité qu'il a connue dans son enfance. De cette manière, il a pu changer la réponse dans son système nerveux, passant de l'immobilité et de l'effondrement à l'agressivité et à la puissance. Pour la personne traumatisée, souvent, l'agressivité semble étrangère, impossible ou dangereuse. Donc, nous allons trouver des moyens de commencer à vivre l'agressivité de manière saine. Nous allons nous rapprocher de l'exemple de Marius. Imaginez que vous vous promenez sur une route de campagne. C'est une journée agréable, vous êtes heureux de sortir, vous promener et de profiter de ce merveilleux air frais et de la lumière du soleil. Alors que vous arrivez dans un endroit où il y a deux ou trois maisons, vous voyez un chien qui aboie vers vous. Le chien se dirige vers vous de manière très agressive, mais vous restez ancré. Sentez vos pieds pendant que vous faites cela. Sentez vos jambes et votre centre de gravité pendant que vous restez ancré. Prenez une ou deux respirations. Sentez votre corps. Sentez vos jambes. Sentez vos mains, vos bras, vos poings, vos épaules. Sentez votre corps alors que vous faites face à ce chien. Faites-lui savoir que vous êtes là et que votre place est ici. Faites savoir à ce chien que vous avez tout à fait le droit d'être sur cette route à ce moment précis. Percevez ce ressenti dans votre corps. C'est de l'agressivité saine. Ressentez-la. Reconnaissez-la. C'est un ressenti que nous avons tous et que nous devons avoir pour être pleinement humains. Une fois de plus, lors d'un trauma, nos impulsions agressives ont été submergées. Alors, nous avons peine à croire qu'elles sont là et que nous pouvons nous y connecter. Lorsque nous commençons à sortir du trauma, en détachant l'immobilité et la peur, l'agressivité s'affirme naturellement. En même temps, nous pouvons faire des exercices qui aident à faire sortir cette agressivité et qui nous donnent des ressources pour nous procurer plus d'énergie, pour trouver une agressivité plus saine, et nous nous en irons tutoyer le ciel. L'agressivité est l'une des réponses à une menace. L'autre réponse, c'est partir en courant. Là encore, certaines personnes jugeront la fuite de manière péjorative, comme si on fuyait quelque chose. Mais en réalité, vous fuyez pour sauver votre vie. Courir est donc tout aussi important que l'agressivité naturelle pour passer de la physiologie du trauma à la physiologie de la résilience. Le dixième point de la renégociation est donc la réponse de fuite ou de course. L'agressivité naturelle a du sens quand nous pouvons intimider l'individu qui veut nous attaquer, ou simplement pour nous défendre. Mais il y a d'autres cas où courir est la seule chose qui ait du sens. Par exemple, si l'animal est plus grand, mais plus lent, la course est la réponse la plus logique. Vous allez fuir et vous mettre en sécurité illico. Tout comme l'agressivité est une impulsion naturelle qui est apparue quand nous sommes sortis de l'immobilité, il en est de même pour l'impulsion de courir, de s'échapper. C'est la réponse de fuite en action. Elle est égale à la réponse d'agressivité au niveau de l'énergie qu'elle mobilise. Souvenez-vous de Marius. Même après avoir expérimenté dans son corps cette nouvelle possibilité d'attaquer et de vaincre le chien, il fait ensuite l'expérience de la course. Logiquement, cela n'a pas de sens, n'est-ce pas? Je veux dire, pourquoi courir après avoir tué le chien? Il n'a pas besoin de courir. Cependant, comme la réponse de la course est égale à la réponse de l'agressivité, la biologie lui demande de compléter cette réponse. Il sent alors ses jambes et ses pieds courir. Il se sent grimper sur le poteau téléphonique pour regarder les chiens en bas. Encore une fois, ce n'était pas nécessaire car les chiens étaient morts du point de vue de l'esprit. Mais du point de vue instinctif, Chaque fois que cette énergie peut être exprimée par l'action, de manière externe, en dehors de l'immobilité et de l'effondrement, eh bien le système nerveux apprécie cette réponse. Parfois, le système nerveux choisira l'agressivité. Parfois, il choisira la course et la fuite. D'autres fois, il choisira des variations des deux. Cela peut se produire d'une manière curieuse et inattendue. Parfois, l'agressivité est vécue comme le fait de se tenir debout, de lever le poing et de dire « Non, tu ne vas pas me blesser, tu ne peux pas me traiter de cette manière. » D'autres fois, on va envoyer balader la personne ou l'événement, ou peut-être même la voiture. Ou alors, même si vous êtes en voiture et que vous n'avez aucune possibilité de courir et de fuir, votre corps a envie de courir. Vos jambes ont envie de courir. Bien sûr, la première chose que vous ressentirez sera vos bras qui essaient de tourner le volant pour fuir. D'un point de vue biologique, il est très probable que vous ressentiez à la fois des réponses d'agressivité et de fuite. Vous vous demandez probablement si courir pour faire du jogging produit la même chose. La réponse est oui et non. Bien souvent, on voit des gens qui courent mais leur corps est en fait de plus en plus tendu. Ce que nous devons faire, c'est d'abord expérimenter l'impulsion de courir. Elle vient de cette réponse instinctive de combat ou de fuite. Ensuite, nous pouvons faire l'expérience de la course. Nancy vivait la course avec des tremblements et des secousses alors qu'elle s'imaginait échapper au tigre. Ce qui pourrait vous aider, parfois, c'est si vous êtes assis et que vous ressentez cette impulsion de course. Laissez vos jambes se lever et se baisser et sentez vos pieds rebondir sur le sol. Quand vous faites cela, essayez de ressentir aussi la résilience et la flexibilité. L'idée n'est pas de courir jusqu'à l'épuisement, mais de courir pour exprimer cette impulsion et l'achèvement du cycle de chargement et de déchargement. La course est donc un autre instinct biologique important qui nous permet de décharger les énergies mobilisées pour notre survie. Lorsque Marius grimpe sur le poteau téléphonique et regarde autour de lui, il termine la renégociation en utilisant la réponse d'orientation. L'orientation, le 11e élément du processus de renégociation, consiste en fait à terminer la réponse de survie et à revenir à l'équilibre. Quand nous marchons dans les bois ou n'importe où dans notre environnement, nous sommes toujours en train de nous orienter. Nous sommes toujours en train de regarder. Nous cherchons des choses dont nous avons besoin, de la nourriture, un abri, ou une possibilité d'accouplement. Nous nous orientons aussi en gardant à l'esprit que quelque chose pourrait être dangereux. Vous pouvez observer les gens qui s'orientent quand vous allez au restaurant. Lorsqu'ils mangent, vous en verrez certains jeter de temps en temps un coup d'œil vers la porte, comme si un danger pouvait survenir pendant qu'ils mangent. Ça se passe de la même manière dans la nature. Quand l'animal s'arrête pour manger, il peut facilement devenir le repas d'un autre animal s'il n'est pas vigilant. Il doit donc rester orienté. Nous sommes toujours en train de nous orienter vers la sécurité, vers des sources de danger, vers des sources de fuite, pour finir, vers toute source de nouveauté. L'orientation s'exprime sur un large spectre. Cela va du simple fait de remarquer où vous êtes et d'en profiter, jusqu'à la vigilance envers des sources potentielles de menaces. En cas de trauma, nous perdons l'aspect flexible de la réponse d'orientation. En d'autres termes, au lieu de simplement regarder et d'assimiler notre environnement, nous sommes hyper vigilants au point de ne remarquer que les sources de menaces. En fait, nous voyons des sources de menaces là où elles n'existent pas. Nous les voyons partout. Nous avons une excitation non résolue. Nous sommes donc constamment à la recherche de ce qui pourrait être la source de ce danger perçu. Lorsque Marius commence sa promenade dans les bois, il vit toute cette expérience, profite de la beauté des montagnes, regarde toutes sortes de rochers et de formations naturelles, se joint en quelque sorte à la nature grâce à ses réponses d'orientation. Lorsqu'il y a une nouveauté dans l'environnement, nous avons tendance à concentrer notre attention sur cette source de nouveauté. Nous excluons toutes les autres choses vers lesquelles nous nous orientions auparavant. Si cette source semble être menaçante, alors nous passons à un état de vigilance plus élevé. Cette vigilance mène à la préparation au combat ou à la fuite. Donc à la fin, quand il est sur le poteau téléphonique, il commence à regarder autour de lui et remarque le reste de son environnement. C'est seulement à ce moment-là qu'il a le souvenir, l'image d'avoir été porté dans les bras d'un homme, puis d'avoir été emmené chez son père. Ensuite, quand il voit son père, il est capable de s'orienter vers lui d'une nouvelle manière. Et pas seulement d'une manière hyper vigilante et traumatique. C'est dans cette orientation flexible qu'il se rend compte que son père n'est pas en colère et ne le rejette pas. Il est tout simplement inquiet. L'exercice que je vais vous proposer pour vous orienter est très simple et, en même temps, il peut être un peu difficile. L'idée est de prendre un peu de temps chaque jour, que vous soyez en ville ou à la campagne, et de commencer à être conscient de vos réponses d'orientation. Autrement dit, il s'agit d'apprendre à vivre l'instant présent. Vous pouvez vous dire des choses comme « Je suis conscient de ce son ». Je suis conscient de ce buisson. Je suis conscient de la sensation d'expansion dans mes bras et mes jambes. Je suis conscient de cette tension et je suis aussi conscient que mes yeux sont plus focalisés. Prenez 10 ou 15 minutes chaque jour pour vivre l'instant présent de cette manière. L'une des premières choses que vous remarquerez, c'est à quel point vous ne remarquez rien. Lorsque nous avons perdu les réponses d'orientation, lorsque nous avons été limités de cette manière, nous ne voyons pas les couleurs, les odeurs et les nuances de notre environnement. Le simple fait d'en devenir plus conscient vous aidera à retrouver les réponses d'orientation. Et ce sont les réponses d'orientation qui nous mènent à l'achèvement. L'achèvement est la 12e étape du processus de renégociation. L'achèvement est le rétablissement de l'autorégulation. En fin de compte, le trauma perturbe notre capacité à nous autoréguler, à nous déplacer entre les différents niveaux d'éveil et d'activation de nos systèmes nerveux. Nous sommes bloqués sur la lutte, la fuite, ou nous sommes figés, effondrés, hypervigilants. Nous sommes bloqués sur la lutte, la fuite, ou nous sommes figés, effondrés, hypervigilants. Quelle que soit la fixation, nous avons perdu notre capacité de nous réguler. C'est comme une voiture qui ne pourrait aller qu'à 50 km/h ou une autre qui ne pourrait rouler qu'à 130 km/h. Pour que la voiture nous soit utile, elle doit être capable de rouler de manière fluide et continue à toutes les vitesses. De la même manière, pour que nous connaissions la plénitude dans la vie, notre système nerveux doit être capable de ressentir l'excitation, l'exaltation, le plaisir, la joie, le danger. En d'autres termes, nous devons compter sur notre capacité à réagir de différentes manières dans un large éventail de situations et de conditions. Lors de l'achèvement, nous faisons l'expérience de la gamme complète de nos réponses. Alors que précédemment, c'est-à-dire lorsque nous étions traumatisés, cette gamme s'était rigidifiée, soit à 50 km/h, soit à 130 km/h, soit entre les deux. L'achèvement se produit donc lorsque notre système nerveux est rétabli dans son état naturel. Et dans cette expérience d'achèvement, nous faisons l'expérience de notre moi naturel, de notre moi instinctif. Et cette expérience nous donne un sentiment de liberté inimaginable. Nous ne sommes pas libres de faire tout ce que nous voulons, mais nous sommes libres de ne pas avoir à nous inquiéter, de ne pas avoir à tout contrôler. Nous avons l'impression que nous serons capables de faire ce que nous devons faire. Et si nous sommes activés par quelque chose, nous savons que nous retrouverons notre équilibre. Un autre aspect de l'achèvement est le tri des émotions et croyances qui ont été dispersées dans l'expérience traumatique. Lorsqu'il voit que son père ne le rejette pas ou n'est pas en colère, Marius est capable d'achever ce processus en voyant les choses telles qu'elles sont et non telles qu'il les avait perçues. Donc, alors que le trauma nous avait immobilisés et bloqués, nous sortons de la réponse d'immobilité, nous rétablissons les réponses d'agressivité et de fuite, nous déchargeons les énergies qui étaient liées à ces réponses, nous revenons à un sens d'orientation fluide, nous régulons nos perceptions de manière précise plutôt que du point de vue traumatique, comme l'a fait Marius lorsqu'il a vu son père aimant et inquiet plutôt que colérique et rejetant, et tout cela forme l'achèvement. L'achèvement n'est pas un événement unique. L'achèvement est toujours incomplet. Cependant, nous vivons ces cycles parfois en une seule session, parfois sur plusieurs sessions. Le cycle qui arrive à l'achèvement a une saveur particulière, une sensation particulière. C'est un peu comme le point à la fin d'une phrase. Ah, j'ai terminé cette partie. Maintenant, c'est quoi la suite? Vous êtes, à ce stade, devenu capable de travailler avec votre trauma d'une manière différente. Notamment dans votre vie courante. Lorsque des événements se produisent et que vous vous sentez activé, en colère, craintif, voulant courir, figé, immobile, eh bien, vous pouvez maintenant utiliser ces idées et ces expériences pour parvenir à un achèvement. Chaque petit achèvement alimente ensuite un plus grand achèvement. Ainsi, chaque fois que nous avons une réaction à quelque chose, nous avons l'occasion de faire un pas de plus vers l'achèvement. Dans la suite de notre programme, nous ferons un exercice qui rassemble plusieurs de ces éléments. Puis, nous parlerons plus précisément de la manière dont vous pouvez utiliser ces outils pour travailler sur un trauma spécifique ou pour empêcher le trauma de se développer après des situations potentiellement traumatisantes. Je voudrais parler brièvement de l'idée de l'empouvoirment, empowerment en anglais. L'empouvoirment, c'est l'acceptation de son autorité personnelle. Cela signifie que vous pouvez faire ce que vous voulez, que vous pouvez le faire de manière directe et ciblée, et que vous ressentez la confiance et la compétence pour le faire. L'empouvoirment découle très spécifiquement des différentes sensations et expériences corporelles. Physiquement, somatiquement, l'empouvoirment vient de la sensation d'être ressourcé, de la sensation d'ancrage et de centrage, de la capacité à être résilient, de la capacité à être agressif, à faire l'expérience d'une agressivité saine, et aussi à faire l'expérience du mouvement pour s'éloigner du danger, c'est-à-dire les réponses de fuite. Toutes ces capacités sont donc perdues lorsqu'une personne est traumatisée, lorsqu'elle est submergée. Progressivement, en oscillant entre les aspects positifs et négatifs de notre expérience corporelle, nous sommes capables d'intégrer ces polarités dans cet empouvoirment. L'empouvoirement est donc un état d'être, une attitude, qui se construit à travers ces différents aspects de notre vécu interne. De nombreuses personnes découvrent que lorsqu'elles travaillent sur un trauma, elles commencent à avoir cette impression d'empouvoirment, qui leur était presque étrangère avant même de subir le trauma. Il est donc possible que le trauma soit l'occasion de nous amener vers plus d'empouvoirment dans nos vies. Maintenant que nous avons appris certains des outils de base pour renégocier le trauma, la question que vous vous posez peut-être, c'est « J'ai eu un autre type de trauma dont on n'a pas encore parlé. » Ce qu'il faut retenir, c'est quel que soit le trauma, il a un effet identique sur notre physiologie. Ainsi, les traumas dus à un accident de voiture, à une chute de vélo ou même à une agression sexuelle ont des points communs. Nous sommes submergés, nous sommes incapables de comprendre ce qui s'est passé et nous restons figés dans une certaine mesure. Donc, quelle que soit la cause du trauma, la principale chose à apprendre, c'est gérer la façon dont il est resté coincé dans le corps. C'est la même chose avec pratiquement tous les types de traumas, quelle qu'en soit la cause. En faisant les exercices maintenant, l'idée est de vous ressourcer, de vous aider à travailler avec les différentes sensations et ressentis qui peuvent surgir spontanément. Et ce, même si vous suivez une thérapie ou même si vous ne savez pas consciemment quelle est l'histoire derrière votre trauma. Si vous n'avez aucune idée de ce que peut être votre trauma et que ces images ne surgissent pas, il est quand même possible d'obtenir plus de liberté dans votre corps et d'en sortir plus fort. Donc, quel que soit l'exercice que vous faites, il vous fournira plus de ressources pour votre guérison, quelle que soit la source du trauma.